La délégation du parti Funcinpec du Cambodge, conduite par son vice-président Cham Dalibut, la délégation de l'Association pour la paix et la réunification des Coréens au Japon, conduite par son vice-président Kang Tae-hwan, et autres hôtes étrangers et compatriotes d'outre-mer, ont formulé l'hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il au Palais du Soleil de Kumsusan le 17.